Chapitre 13e. La nuit, heureusement, était sombre, pas une étoile. Le ciel était envahi par les nuages et une brume légère flottait sur le port. Ikoteruka, rampant le long du bastingage de la jonque, employa près d'une demi-heure pour atteindre l'arrière du petit navire. Le factionnaire, qui était tourné vers le quai, ne pouvait le voir. Ikoteruka, étant arrivé contre la cloison du château arrière de Yue, se redressa, jusqu'à ce que ses yeux fussent à la hauteur d'une des petites fenêtres. Mais il ne put rien voir. À l'intérieur, une natte était suspendue devant l'ouverture. S'il ne pouvait rien voir, Ikoteruka entendit à merveille. Plusieurs hommes discutaient. Ils se croyaient bien tranquilles et ne se donnaient pas la peine de baisser la voix. Ils s'exprimaient dans le dialecte de Canton que le célèbre détective japonais comprenait parfaitement. « Et vous direz ce que vous voudrez, capitaine Bork, mais moi, je suis d'avis que nous partions cette nuit même, sans attendre. Maintenant qu'ils ont découvert la Santa Madre et qu'ils ont perquisitionné chez Afo, nous pouvons nous attendre à tout, » faisait une voix aiguë. « Il est certain, » répondit une voix rauque, qui n'était pas celle d'un Chinois, « que ces imbéciles de Portugais se sont adjoints un policier extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont déterré le corps d'Afo. Ils doivent se douter de la cause de sa mort et, s'ils venaient à savoir que... « Écoutez et obéissez !» interrompit un troisième interlocuteur d'un ton péremptoire. « Nous n'avons plus rien à faire ici, telle est la vérité. Les piastres sont en lieu sûr et nos hommes sont à bord. Nous allons donc partir. Je transmettrai ensuite mes ordres au... » Un aboiement sourd retentit. Ikoteruka se retourna. D'une écoutille toute proche de lui, un gros chien jaune venait de surgir. Le grand détective japonais n'eut que le temps de se jeter de côté pour éviter l'atteinte des crocs de la bête qui avait bondi sur lui. Des hurlements résonnèrent. Réveillés par les aboiements de l'animal, les matelots qui dormaient sur le pont se dressaient. Ikoteruka s'était élancé vers le bastingage pour se jeter à la mer. Mais comme il escaladait la lisse, un cabillaud, lancé par un des Chinois, l'atteignit à la nuque. Étourdi par le choc, il chancela. Il n'eut pas le temps de se ressaisir. Trois des matelots de la jonque le rejoignirent, l'empoignèrent par les pieds, par les bras. Il rua, se débattit, mais d'autres célestes arrivaient, l'un d'eux le ceintura. Tiraillé de tous côtés, réduit à l'impuissance, il tomba sur le pont et fut immobilisé. Un gros homme, de race européenne, arriva en soufflant. « Ne lui faites pas de mal, ne lui faites pas de mal » commanda-t-il en chinois. « Ligotez-le solidement, n'ayez pas peur de serrer. » Et qu'on le porte dans ma cabine, dépêchez. » Ses ordres furent immédiatement suivis. En quelques secondes, Ikoteruka fut empaqueté dans un étroit réseau de cordelettes, si serré qu'il ne put plus faire le moindre mouvement et respira avec difficulté. Un gigantesque matelot le jeta sur son épaule et, à la suite du gros homme, se dirigea vers l'arrière de la jonque. Il monta sur le château de poupe et s'engouffra dans une écoutille. Une échelle, qu'il descendit, conduisait dans une vaste cabine éclairée par une grosse lanterne de papier. Elle était meublée, si l'on peut dire, de hamacs suspendus à des crocs de fer fixés au plafond et d'une caisse en bois de camphre. Des nattes usées et à demi pourries recouvraient le plancher. Une odeur suffocante régnait dans ce réduit. Ikoteruka fut jeté brutalement sur les nattes. Puis le gros homme, s'étant agenouillé à ses côtés, entreprit de le fouiller, ce qu'il fit avec une prestesse et une habileté digne d'un pickpocket. Un poignard, une torche électrique, dit Livre-Sterling, murmura-t-il au fur et à mesure qu'il s'emparait de son butin. Ce n'est pas grand-chose.